Chauffage Plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Top Chrono, Top Chrono. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Weekend. Et oui, juste après cette page musicale, donc ça nous a mené tout droit vers 18h30. C'est bien le moment de retrouver Top Chrono, le magazine des sports de Fly FM. Dans quelques minutes, bien sûr, des personnes vont venir autour de moi pour présenter cette émission. Mais pour démarrer, comme c'est l'été, comme tout se passe très bien dans ces studios, il y a Monique. Bonsoir Monique. Salut Fred, je dirais pas bonjour à toute l'équipe puisqu'il y a toi et moi. Exactement, on va retrouver Jean-Yves dans quelques minutes. Notre ami Didier Bougon viendra à nos côtés. On aura le plaisir d'avoir Patrice Bèche, notre spécialiste du football. Aujourd'hui, on va dire, investi d'une émission dans les quartiers, il nous expliquera tout ce qui se passe. On aura bien sûr des sons puisqu'il s'est passé une belle initiative à l'image du basket du SAP Avignon. Basket dans les quartiers, puisqu'ils sont allés à Avignon, ils sont allés au Grand Cyprès, en rocade, faire des démonstrations, des jeux et des autographes et des photos avec les petits jeunes du quartier. Ça se passera tous les mercredis, on appelle ça les animations sportives du quartier. C'est en Avignon que ça se passe et c'est Patrice Bèche qui nous a ramené tout ça. Et puis on aura bien sûr Monsieur Henri qui n'est pas là encore ce soir, mais qui nous a laissé bien des choses à dire sur le football, puisqu'il y avait bien sûr les matchs du championnat Rhône-Durance. Il y avait le district, bien sûr, Rhône-Durance qui s'est disputé ce week-end. C'est l'avant-dernier match, on est bientôt à la fin de saison. Mais pour démarrer, c'est le sommaire. Ce soir dans Top Chrono, rugby à 15, on reviendra sur la Fédérale B, Château-Renard face à Lannemezan pour le titre de champion de France. Ira à Lannemezan. Retour sur ce match dans quelques minutes avec Jean-Yves. Motoball, les Jaguars de Monteux recevaient Neuville. Retour sur cette soirée avec Jean-Yves. Fraisse Stéphane, le capitaine, reviendra sur ce match nul. Et Thierry Lafond, tiens voilà, donc il parle, oui, c'est lui qui avait mené les Jaguars de Monteux au titre de champion de France. Nous aurons de ces nouvelles au micro de Jean-Yves. En handball national 3, les filles de Carl Vinsonneau ont fait le boulot, hein, puisqu'ils ont gagné par une score évocateur. 50-26 face à cette équipe d'Ajaccio. On trouvera Carl Vinsonneau qui nous parlera un petit peu de ses filles, parce que ça y est, on l'a, le ticket est en poche. Elles peuvent déjà commencer à préparer le fameux match de barrage pour monter en National 2. Football, on touche à la fin du championnat, retour sur les rencontres du week-end et on verra qui va rester, qui va descendre, et on fera une analyse complète la semaine prochaine avec Patrice Bèche qui viendra au téléphone nous dire tout ce qu'il faut savoir sur le football en Vaucluse et ce qu'il faut s'attendre pour ce qui va se passer la saison prochaine. Athlétisme, la virade dans les vignes de Bédaris s'est bien terminée dimanche matin, tout s'est bien passé. Didier Bougon était sur place, il viendra avec moi vous parler de ce qui s'est passé dans cette course et nous aurons bien sûr les sons des personnes qui ont œuvré pour cette course. Il y avait quelque chose de fabuleux dans cette course, puisqu'il y avait une association pour les femmes enceintes qui, malheureusement, se retrouvent un petit peu maltraitées dans leur couple et qui vont vite se réfugier auprès de cette association qui accueille toutes ces femmes-là. Eh bien, c'est quelque chose de très innovant dans la course à pied. On est très heureux ce soir d'en parler dans Top Chrono. À 19h10, c'est Horizon, le beau magazine concocté par et préparé par Marie. Elle vous donnera bien sûr des dates, elle vous donnera des envies de ce week-end d'aller faire du sport et pourquoi pas de vous évader, d'aller vous cacher dans un coin, pourquoi pas, encore une fois, essayer de faire une belle sortie en ce long week-end qui approche, puisque l'ascension va aller jusqu'au dimanche au soir. Il y en a qui vont avoir carrément un viaduc à leur calendrier. À 19h20, focus ce soir avec Eric Levasseur et Manon. On parlera du swing run. C'est le sport géré par la Fédération française de triathlon. Ils viendront nous dire tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle discipline. Vous verrez que c'est pas mal compliqué. Il faut s'entraîner si on veut avoir des résultats. Et à la fois, on prend beaucoup de plaisir. Patrice Bèche, on l'a dit, ça sera l'écho du quartier. Il nous parlera des belles initiatives que le basket SAP Avignon avec ses joueurs ont fait du côté du grand quartier des Cyprès en Avignon. Il y avait le groupe HLM Erelia. Et bien, tous les mercredis, il y aura des sportifs et des personnalités qui auront, pourquoi pas, tapé la balle avec ces jeunes talentueux, jeunes hommes qui veulent s'initier au basket. Et il y a eu, bien sûr, des jeux dans cet après-midi. Il y a eu des autographes, des photos avec les joueurs. Voilà, c'est Top Chrono. Attention, on est parti. Top Chrono, rugby à 15. Alors, on va être un petit peu taquin avec la technique. On n'a rien en retour. C'est très, très, très, très désagréable puisque je n'ai absolument pas. Ah, tout doucement. Eh bien, écoutez, la magie de la radio, c'est ça. Ça vient toujours au bon moment. On va revenir un petit peu sur ce match. Et oui, déception évidente pour cette équipe de Château-Renard. C'était la dernière en course en Fédéral 2, on va dire en Fédéral B, pardon. C'était la finale qui se déroulait du côté de Gruissant, le stade de Mattel. À la mi-temps, nos amis de Lannemezan menaient 6-0. Et puis, à la fin, eh bien, tout s'est joué par des coups de pied de pénalité, puisque du coup, on a réalisé 4, et les pénalités de Kalong, 3. Jean, y va-t-il là ? Oui, Fred, bonsoir à tous. Alors là aussi, ce soir, défaut de beau temps, puisque ici, tu sais que le week-end va être très très chaud, et tu vas même t'évader de ton nord natal, pardon, de la Bretagne natale, pour venir en Vaucluse pendant ce week-end. Juste pour te dire qu'on n'est que tous les deux. Et ce soir, je ne sais pas si tu nous reçois parfaitement, parce qu'on est en retour pour l'instant qui n'est pas terrible en studio. Écoute, Fred, moi je suis très loin, hein, puisque je suis retourné, comme tu le disais, dans ma Bretagne d'adoption temporairement. Mais je t'entends parfaitement, j'espère que vous m'entendez aussi parfaitement, Fred. Voilà, pour le moment c'est assez petit, mais ça va venir tout doucement, on va mettre du volume pour pouvoir t'entendre. On revient un petit peu sur cette Fédérale B, Château-Renard, finaliste face à Lannemezan du côté de Gruissant. Un match qui a dû être âpre, il y a eu un petit peu de carton jaune, il y en a eu distribué un de chaque côté. On va dire que les marchés devaient démarrer à 100 à l'heure, ils l'ont fait et malheureusement, eh bien, ils ont été mal récompensés, ils ont échoué à 3 points. C'est bien souvent un petit peu ce qui se passe dans ces finales. Ouais, Fred, tu sais, c'est une finale, il ne fallait pas s'attendre à avoir énormément de spectacles. D'ailleurs, de ce que j'en ai entendu hier, il y en a beaucoup de spectacles, il y a eu beaucoup de petits jeux en même temps. C'est une finale, on n'est pas là pour faire les malheurs, on est là pour la gagner, la finale. Ce que les Pyrénées ont mieux fait que les Château-Renardais, c'était compliqué, hein, parce que Château-Renard était à Lannemezan. Lannemezan, sur toute la saison, n'avait pas perdu un match. Et leur pouvoir résultat, c'était un match nul. Donc, autant se dire que la marche était haute, il fallait la franchir. Et donc, du coup, les Château-Renardais n'ont pas réussi à la franchir. Et puis, il n'y a pas grand-chose à regretter, tu sais, quand tu perds contre une équipe du calibre de Lannemezan, de la baie de Lannemezan. Mais voilà, c'est un aspect très pro, c'est une place forte du rugby dans le sud-ouest. Et voilà, il n'y a rien à regretter. Les Château-Renardais, qui en début de saison, leur avait dit que dans ce cas-là, ils auraient sûrement signé les Lyonnais. Voilà, le parcours a été beau, puis pour le club de Château-Renard, une espèce de bouffée d'air frais, après ce qui s'était passé il y a 15 jours. Voilà, ils reviendront peut-être, en tout cas on l'espère, pour les maraîchers. Voilà, un petit peu des nouvelles des clubs voisins, Jean-Yves. Voilà, on espère que, bien sûr, les maraîchers seront là. L'année prochaine, les maraîchers seront, bien sûr, les favoris en Fédéral 2, hein, puisqu'ils seront... Oui, Jean-Yves. On a des petits soucis, on va te rappeler, Jean-Yves, dans quelques minutes, le temps à Monique de faire d'aiguiller un petit peu du côté des studios. Pour pouvoir retrouver Jean-Yves, on va laisser Monique s'occuper malheureusement ce soir de tout ça. Je suis revenu. Est-ce que tu es là, Jean-Yves ? Oui, je suis revenu, Fred, et puisqu'on parle de rugby, j'aurais aimé peut-être faire un point avec toi sur la saison qui se prépare, la saison prochaine qui se prépare en Fédéral 2, parce qu'on est quand même en train d'assister à une espèce de course à l'armement du côté des Verts d'eau. Oui, alors attention, la course à l'armement a démarré du côté de Château-Renard aussi, puisqu'on sait que les clubs, la saison prochaine, le nouveau format de championnat fait que ça va être très compliqué pour les clubs d'une de se qualifier et de deux surtout d'éviter de descendre. Et puis on voit les clubs s'armer. c'est très vrai du côté de Château-Renard, hein, puisque... Quand tu disais il s'arme, c'est juste pour rappeler un petit peu aux gens qui ce soir nous écoutent, c'est que l'année prochaine, tout va changer en Fédéral 2. Il y aura des poules de 12, hein, 12 clubs, ce qui veut dire qu'il va rajouter 4 nouveaux matchs par rapport à la saison de cette année. Elle va être beaucoup plus longue et beaucoup plus dense. Peut-être c'est un petit peu cela qui fait le reste. J'arrive. Ouais, c'est bien. Alors, Fred, tu sais, c'est ça qui fait le reste, bien sûr. L'année prochaine, au lieu d'avoir 6 qualifiés, il n'y en aura plus que 4. Ça aussi, ça compte. Ça compte énormément, hein, puisque tout au long du championnat, on aura moins le droit à l'erreur. On n'aura pas de match de barrage. Et puis là, les descentes seront à nouveau d'actualité dès la saison prochaine. Donc, les clubs ont plutôt intérêt à faire un gros début de championnat et puis surtout à maintenir la pression pour terminer dans les quatre, parce que sinon la saison sera terminée très tôt, probablement au mois d'avril l'année prochaine. Alors les échos. Oui, les échos que tu as au niveau de la SBC, je te laisse les dire. Écoute Fred, pour le moment de ce qu'on sait de la SBC, là, c'est un superbe recrutement. Hein. On parlait la semaine dernière du recrutement du nouveau coach qui était passé par le top 14 et Castres notamment. Et puis cette semaine, on a appris la signature de plusieurs joueurs, au moins 4 très très bons joueurs. Je pense notamment bien sûr à Zanini qui évoluait du côté de Pierre Latte, Patrick Castin. Zanini qui a 30 ans passé, mais qui est un formidable joueur, un formidable meneur, qui va probablement combler le vide laissé par Guillaume Marquis au mois de janvier, hein, lorsqu'il avait été contraint de s'arrêter. Guillaume Marquis, c'est probablement la plus belle pioche de l'intersaison pour le SBC. Pas Guillaume Marquis, pardon, Zanini. Oui. Mais par contre, il y a aussi d'autres très bons joueurs qui arrivent, hein, puisqu'il y a Labi, un centre qui arrive de Fédéral 1, me semble-t-il. Exact. Il y a le compère de Zanini, Patrick Castin, le pilier gauche, Johan Didier. Johan Didier, lui aussi, hein, il va apporter du poids, il va apporter de l'expérience. C'est le parfait complément de Zanini. Et puis la signature d'un neuf qui va probablement mettre un petit peu de pression sur notre ami Bertrand Lombartec, qui a joué tous les matchs cette année, qui a parfois eu des difficultés dans la gestion du jeu. Et bien là, le staff a décidé de mettre Bertrand sous pression. En lui collant une concurrence sévère, puisqu'il s'agit de Chabanne qui arrive de Montélimar. Ça nous annonce pour le moment un effectif plutôt sympa du côté des Verdeaux, Fred. Ah, exact, hein. C'est vrai que la SBC n'a jamais caché, son président n'a jamais caché le retour de la SBC peut-être en Fédéral 1, hein, puisqu'aujourd'hui il y a la Fédéral 1 A et la Fédéral 1 B. Hein, il faut pas se cacher non plus, c'est pas se voiler la face. Hein. Et la B est peut-être un petit peu dans les cordes de la SBC, comme au Château-Renard, à tes yeux. Le Château-Renard sera un prétendant à la montée l'année prochaine, puisque beaucoup de joueurs restent. Et quelque part, on sait que les joueurs, au fil des années de jouer ensemble, ça permet d'avoir des automatismes et de savoir un petit peu avec qui on joue au niveau de leur qualité physique et de leur adaptation au jeu. C'est ça, hein ? Ouais, absolument, Fred. Tu sais, un groupe, pour que le groupe soit parfaitement efficient, on va dire, pour qu'il donne sa pleine mesure, il faut une paire de saisons, voire 3 saisons. Quand tu arrives à garder la même ossature et que tu as la chance de pouvoir procéder par petites touches et d'améliorer ce qui n'allait pas. C'est ce que fait cette année le staff de la SBC. Hein. Le groupe existe, le groupe est un bon groupe. Pas grand-chose à reprocher à ce groupe sur la saison qui vient de se dérouler. Et puis le staff a choisi de rajouter des petites touches là où ça a pêché. Alors ça a pêché bien sûr au talonnage après le départ de Marquis. Donc là on s'arme, on prend ce qui serait de mieux d'après moi dans la région avec notre ami Zanini. On a parfois eu des problèmes en première ligne du côté gauche. Et bien on prend Johan Didier. Et puis ce centre qui est la surprise, hein, un mec qui arrive de Fédéral 1, Labi, Momo Labi, qui compte une quarantaine de sélections avec le Maroc, me semble-t-il. Là aussi, ça va apporter des solutions différentes derrière. Mais en tout cas, c'est des petites touches qui vont permettre d'améliorer le groupe existant déjà. Et je trouve que pour le moment, ce recrutement est très très très cohérent et ça me plaît beaucoup en fait. Et la tristesse aussi des joueurs qui vont quitter la SBC, il s'est déjà annoncé, hein, Yazid Chouchane, Mehdi Chouchane, quitteront la SBC. Il y a aussi ton neveu qui joue en troisième ligne. Qui est ouais, Combe, ouais. Combe qui est annoncé partant aussi. Ouais, qui a été demandé gentiment de retrouver un club. On a Carrier qui va rester. Alors par contre, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, hein, avec la venue de Zanini, je pense que la phase de jeu au niveau de la touche va être un axe de travail et surtout qui va être très dangereuse pour les adversaires. Parce que ouais, ça sera très intéressant à observer puisque on connaît les qualités de Zanini au lancer et puis la doublette Carrier-Argent dans les airs, et bien nul doute que notre ami Zanini va les trouver très régulièrement et ça risque de beaucoup perturber les alignements adverses. Ouais, Nogaillet devrait rester. Barriol, Barnoron, d'après un petit peu Mehdi. Après, on sait que Zvania, normalement, devrait être remercié, tandis que il semblerait aussi, maintenant encore, il faut prendre tout ça au conditionnel, et il n'y a rien d'officiel, notre ami Rado aussi devrait lui aussi pouvoir chercher un club, il devrait être libéré par la SBC. Maintenant, il faudra attendre quand on voit un petit peu. On sait que Mesdour, bébé Mesdour, c'est terminé pour lui. Shérif, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Jacques Bogossian devrait encore être là l'année prochaine avec Marc Mortelette. Mais tout cela est encore une discussion et on verra un petit peu ce qu'il va faire à la SBC. C'est encore appelé à bouger. Voilà, pour le moment, le recrutement qui est annoncé est plutôt sympa à voir sur le papier. Mais effectivement, comme tu le dis, pourvu que les joueurs cadres, les joueurs dont on avait besoin, ne quittent pas non plus le club, parce que ça annulerait presque les efforts de recrutement qui ont été faits ces dernières semaines. Et si tu veux, on peut faire. Oui, continue. Non, on peut faire confiance au staff et au président de Mignoni pour justement ne pas laisser place à l'hémorragie et surtout continuer à construire un groupe cohérent pour jouer les premiers rôles la saison prochaine. Voilà, on reviendra sur cette Fédérale 2 juste avant de partir en vacances et on essaiera la semaine prochaine de faire un gros bilan parce qu'il est possible que ce soit peut-être notre dernière émission de Top Chrono puisque tous les championnats en seront terminés des phases régulières. Alors ça veut dire que le football c'est terminé. Pour tous les autres sports, ce sera terminé, mais restons encore dans le rugby à 15. Parlons de la Fédérale 3, car ça bouge. Le retour de l'ESM de Monteux, c'est quelque chose de prometteur, avec un nouvel entraîneur qui a été dévoilé il y a quelques jours. C'est bien sûr Gaël Floé, qui devrait s'occuper des lignes d'avant. Le départ de Thionel est annoncé, c'est fait, c'est officiel. Vioux pourrait faire équipe avec notre ami Gaël Floé. Eh bien, voilà, quelque chose de nouveau à Monteux. Pour l'instant, on est en plein recrutement. Et puis du côté du Ponté, on connaît le tandem. Ça sera Roche-Nicolas avec Christophe. Voilà le nouveau tandem d'entraîneurs. Eux aussi, ils sont en plein recrutement. Ils sont même, on va dire, dans la SBC en train de chercher des joueurs. Ça, c'est un scoop, puisqu'il y a des joueurs qui ont été approchés par Christophe et Yo pour venir renforcer l'équipe du SAP. Très bonne pioche de la part du Ponté, Fred, concernant les deux entraîneurs, puisque on se rappelle qu'il y a une période, jusqu'à la saison passée, la saison précédente, Christophe Huot et Nico Roche officiaient avec la réserve de la SBC, la réserve de 2. Et c'est un tandem qui fonctionne plutôt pas mal. Il faudra les voir en Fédéral 3, mais pourquoi pas. Alors après, c'est presque de bonne guerre hein, de vouloir faire son marché parmi les joueurs qu'on connaît, avec qui on a eu la chance de travailler. Nul doute que les dirigeants de Bétail vont trouver les éléments qu'ils voudront retenir. Voilà, on a un petit peu des petits soucis de micro, juste avant de nous quitter. Gaël Floé, le retour avec Vioux à Monteux. Ça sera surveillé. Ouais. Parce que... Gaël Floé, c'est une figure de Monteux. c'est un mec qui a joué de très longues années à Monteux. C'est un joueur vaillant, c'est un meneur lorsqu'il joue. Il faudra observer son comportement après, une fois qu'il aura rendu ses crampons, qu'il aura raccroché ses crampons, et de voir comment il va se transformer en entraîneur. Des fois le passage n'est pas facile à faire. Ce qui est certain, c'est qu'un mec, lorsqu'il parle, on l'écoute. Lorsqu'il joue, il a une certaine ascendance sur ses coéquipiers. S'il arrive à garder le même état d'esprit et qu'il arrive à être un petit peu plus serein sur le bord du terrain que lorsqu'il était joueur, ça peut faire quelque chose de sympa à la tête de Monteux. Voilà, on passe à la pub et puis on revient sur peut-être l'actualité 13iste s'il y a.